Yeah, yeah, yeah. 973 West Black représente Tennessee, Ghetto Youth. Pick up à Dr. Pim, c'est le capitaine, ok. Yeah. Tu peux pas m'arrêter. Tu peux pas m'arrêter. Tu peux pas m'arrêter. Tu peux pas m'arrêter, ok. Tu peux pas m'arrêter. Tu peux pas m'arrêter, ok. Tu peux pas m'arrêter. Ces diapons, pas honnêtes, ne peuvent pas m'arrêter. Je rêve de me piquer pour pouvoir m'arrêter. Ces diapons, pas honnêtes, ne peuvent pas m'arrêter. Je rêve de me piquer pour pouvoir m'arrêter. La charte de ta mère pourrait pas me stopper. Tu rêves de me piquer pour pouvoir m'arrêter. Même un 9 mm pourrait pas m'arrêter. Tu rêves de me piquer pour pouvoir m'arrêter. Ces diapons, pas honnêtes, ne peuvent pas m'arrêter. Tu rêves de me piquer pour pouvoir m'arrêter. Arrête l'école, tu déconnes à l'alcool. T'es un chômeur, un fumeur, un gars. Asthétique, afin pige, t'es un squatteur, tu bouffes les frics de ta mère. Tu joues les stylers, tu manges l'argent de ton frère. T'as fait 2 ans, t'es pédophile, t'as fait la main sur son mobile. Jour et nuit, elle a la haine, car de toi, elle s'ennuie. Moi, je suis noir, tu es quoi, je te nique, t'es plus toi. Ton odeur à l'effet d'un putois. Pourquoi tu me toises, moi, je te tutoie. T'as pas compris, négro, va et tutoie. Moi, je suis noir, tu es quoi, je te nique, t'es plus toi. Ton odeur à l'effet d'un putois. Pourquoi tu me toises, moi, je te tutoie. T'as pas compris, négro, va et tutoie. Va et tu toi, va et tu toi, va et tu toi, va et tu toi, va et tu toi, va et tu toi. Tu peux pas m'arrêter, tu peux pas m'arrêter, tu peux pas m'arrêter, tu peux pas m'arrêter, ok. Tu peux pas m'arrêter, tu peux pas m'arrêter, ok. Tu peux pas m'arrêter. Ces diapons, pas honnêtes, ne peuvent pas m'arrêter. Tu rêves de me piquer pour pouvoir m'arrêter. Ces diapons, pas honnêtes, ne peuvent pas m'arrêter. Tu rêves de me piquer pour pouvoir m'arrêter. La charte de ta mère pourrait pas me sauver. Tu rêves de me piquer pour pouvoir m'arrêter. Même un 9 mm pourrait pas m'arrêter. Tu rêves de me piquer pour pouvoir m'arrêter. Ces diapons, pas honnêtes, ne peuvent pas m'arrêter. Tu rêves de me piquer pour pouvoir m'arrêter. Je l'appelle et là la haine ne répond pas à son phone. L'amour en aveugle. Mais toi t'as tout vu, tu es sale, tes chapines et tes dents sont cassées. Je m'en fous si tu m'aimes, je veux juste te casser. Laisse-moi ma charte, j'ai déjà vu tes seins. Je me souviens de tes lèvres, mais pas le goût de ta quéquette. Hey, moi je suis romantique, je vais tourner des cassettes. Pendant que je te baise, je veux mettre ma casquette. Hey, après ce son, toi et moi c'est fini. Mais si tu rêves de partout, je pourrais appeler Jimmy. Tu peux pas me stopper.